dans un élan d'amour, elle prend son courage. À demain, la démarche pas facile. Chancelante, elle sent le regard méprisant tout le long du chemin. C'est bien Jésus qu'elle vient voir dans la demeure du pharisien. Les douces senteurs de safran qui s'échappent de son verse lui donnent de la hardiesse. Qu'il est bon de vivre, qu'il est bon de marcher dans la merveilleuse liberté d'une âme pardonnée. Qu'il est bon de vivre, qu'il est bon de marcher dans la merveilleuse liberté d'une âme pardonnée. Sans liberté.